imaginiez encore le botaniste comme cette personne chenue à mi-chemin entre herboriste et apothicaire qui examine à la loupe des fleurs fanées dans un clair-obscur poussiéreux au fond de son échoppe, il va sans dire que vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Botanique Renaissance, citerait la revue Nature à la fin du mois dernier pour témoigner du regain de vitalité depuis plusieurs années de ce domaine de recherche, tombé un peu en désuétude dans le courant du XXe siècle et qui, grâce aux nouvelles technologies d'analyse tomographique ou génomique, retrouve aujourd'hui une seconde jeunesse. Nouveau printemps pour la botanique, c'est le sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner dans ce voyage au cœur des plantes déjà découvertes et dans toutes celles qui restent encore à découvrir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Thomine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de Paris-Saclay et membre du laboratoire d'excellence des sciences de plantes, de sciences des plantes, de Paris-Saclay. Bonjour Marc Janson. Bonjour. Vous êtes botaniste, conservateur de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle. On en reparlera tout à l'heure. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour commencer l'un et l'autre? Est-ce que vous êtes content même plutôt de ce titre de Nature, botanique, la renaissance de la botanique, Botanical Renaissance, Marc Janson? Alors, pour ma part, en arrivant d'un organisme comme le Muséum, il est vrai qu'il serait difficile de ne pas acter un certain changement et un certain élan qui a été donné au niveau de l'herbier national, donc puisqu'il a été intégralement rénové. Entre 2007 et 2013, ça a été un vrai tour de force, une prouesse, une première, puisque c'est à la fois la plus grande collection au monde. Donc on imagine le volume que ça peut représenter, 8 millions de spécimens. Et en même temps, on a aussi, au-delà de la rénovation du bâtiment, des changements de mobilier, etc., on a aussi numérisé et reclassé complètement cette collection. Donc on l'a vraiment, disons, intégrée dans le 21e siècle avec ces herbiers virtuels, toutes ces images qui sont venues s'ajouter en quelque sorte à l'herbier physique, à tous ces spécimens qui patientent depuis plus de 3 siècles, presque 4 dans nos étagères. Et dont on peut consulter une grande partie sur le site internet. Absolument, qui sont absolument en ligne, accessibles à tout le monde gratuitement. Et on va mettre le lien tout de suite sur notre fil Twitter. Sébastien Thomine, la renaissance botanique. La botanique, elle renaît aussi à nos yeux, à nous physiologistes moléculaires, puisque nous avons maintenant des outils qui nous permettent justement d'accéder à la connaissance de nombreuses espèces à l'échelle moléculaire, ce qui n'était pas le cas pendant une vingtaine d'années. Nous sommes concentrés sur l'étude d'une seule plante, Arabidopsis thaliana. Et maintenant, grâce aux nouveaux outils, l'éventail des plantes que nous allons pouvoir étudier s'étend et nous avons retrouvé la botanique. On va examiner ça, hein, effectivement, comment tout au long du XXe siècle, finalement, quand ces premiers outils génomiques, ces premiers outils d'imagerie, on s'est beaucoup intéressé à la faune, on s'est peu intéressé, finalement, Marc Janson, à la flore, ou assez peu, de manière assez pointue, sur quelques espèces seulement, à peine une centaine d'espèces dont le génome a été séquencé. Oui, c'est vrai, il y avait un côté plantes utiles, c'est vrai que l'agriculture, l'agronomie, etc. a peut-être un petit peu défini plus prioritairement l'intérêt qu'on apportait au végétal. Ce que je me permettrais d'ajouter, c'est que nous sommes des scientifiques, et c'est très bien, mais il faut aussi voir que, historiquement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, les plantes ont intéressé aussi d'autres domaines, et je voulais citer un jeune philosophe qui s'appelle Emmanuel Ecoccia, qui a écrit beaucoup, et qui tient à replacer les plantes, cette fois-ci au-delà de l'étude purement scientifique, mais aussi dans le domaine de réflexion, c'est-à-dire en gros la place, la signifiance des plantes dans le monde d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a aussi un renouveau peut-être ici, c'est que les plantes au-delà de la science questionnent aussi beaucoup notre place dans le monde, la signification du vivant, etc. Un mot peut-être pour voir que finalement toutes ces sciences que l'on disait autrefois naturelles, hein, les sciences naturelles, il y a aujourd'hui aussi par ailleurs une forme de réappropriation par le public, notamment, bah, on le disait, vous avez mis en ligne sur internet une grande partie de l'herbier national du Muséum d'histoire naturelle, mais vous constatez l'un et l'autre aussi cette curiosité nouvelle, on redécouvre finalement des plantes sauvages, on redécouvre des espèces qui étaient moins commercialisées, où il y a un regain d'intérêt pour le monde végétal en particulier, plus que pour le monde animal. Alors vous évoquiez les herboristes, c'est vrai qu'on sent du fait des scandales, répétitions sur les médicaments, etc. Il y a, c'est vrai, un engouement. Il y a le questionnement global sur le vivant, notre place dans le vivant, la biodiversité, etc. Et donc, c'est vrai que les gens ont un intérêt pour le végétal qui s'accroît. J'en prendrais peut-être pour exemple ce site que nous avons créé qui s'appelle Les Herbonautes, qui nous permet à nous, scientifiques du muséum, de compléter nos bases de données, parce que toutes ces images ont été générées à partir de nos spécimens, mais on n'a pas pu associer à chaque image toutes les informations qui sont contenues sur les notes associées à ces plantes séchées. Et on confie au grand public, à travers ce site donc, qui s'appelle Les Herbonautes, la tâche de regarder ces images, de lire sur la photo les informations qui sont apposées sur l'étiquette et de nous aider à compléter cette base de données. Et à notre grande surprise, ça a eu un grand succès. C'est-à-dire qu'on a un nombre de contributeurs absolument extraordinaire et on n'attendait pas un tel engouement et un tel intérêt de la société civile pour ce genre de thématiques. Vous diriez aussi, oui. Sébastien Domine, que... De notre côté, c'est moins sensible ce regain d'intérêt, puisque nous sommes des expérimentateurs qui travaillons en laboratoire, avec des machines très sophistiquées, et du coup on a moins ce contact avec le public, on peut moins faire participer le public à nos expériences. Mais néanmoins, on constate que les sujets justement qui vont allier la diversité, la biodiversité et la physiologie moléculaire vont avoir un succès croissant. Quoi. Et comment vous expliquez-vous de votre point de vue à vous de biologiste, Sébastien Thomine, que finalement le champ d'exploration du végétal au niveau de la biologie intégrative de la cellule, finalement a été, vous l'avez dit, vous avez travaillé pendant 20 ans sur même plante. Pourquoi est-ce que vous êtes concentré comme ça sur une seule plante et sur un domaine aussi petit, aussi restreint que cette plante unique? Disons qu'il y a deux raisons. La première, c'est que pendant une longue période, le fait d'obtenir la séquence du génome d'une plante a été un effort énorme qui a pris pour Arabidopsis thaliana, ça a pris 10 ans pour l'obtenir. Depuis les 10 années suivantes, on a eu la séquence de 200 plantes ou plus de 250 plantes maintenant. Donc ça, c'est un autre facteur. Et l'autre idée, c'est que finalement, il fallait ce génome aussi l'annoter, c'est-à-dire savoir déterminer la fonction de chaque gène pour pouvoir voir comment ces gènes sont déclinés après, pour pouvoir aller voir comment ces gènes sont déclinés dans d'autres espèces et regarder comment ils génèrent justement toute cette diversité végétale. Est-ce que vous diriez, pour finir ce petit propos introductif, que cet intérêt pour le monde végétal, comme pour la diversité animale, finalement, il est aussi lié au fait qu'il y a quelque chose qui est passé dans le grand public autour de l'imminence de la disparition des espèces, que ces espèces sont fragiles, qu'il y a effectivement aujourd'hui une course contre la montre qui s'est engagée dans le recensement du vivant? Marc Janson. Oui, absolument. Et puis je pense que le public, comme d'ailleurs peut-être les autorités décisionnaires, commencent à comprendre que sans le végétal, il n'y a pas d'animal. Et que donc le végétal est un petit peu la base de tout ce qui constitue la biodiversité aujourd'hui. Et effectivement, même au-delà de ça, le végétal a une image positive parce que le végétal peut dépolluer, le végétal produit de l'oxygène, des sortes de lieux communs comme ça, qui peut-être dans notre période un petit peu chargée, complexe, suscite un intérêt et même un espoir peut-être au niveau du grand public. C'est votre opinion là-dessus, Sébastien Thomine ? Oui, il y a aussi l'importance des différentes adaptations, le fait d'avoir des plantes qui sont adaptées à tous les milieux. Et là, on est dans un contexte où il y a un changement climatique, où on sait que les conditions vont être modifiées. Et donc, il y a vraiment besoin d'identifier de nouvelles espèces ou de nouvelles adaptations qui vont permettre justement de faire cette transition qui va avoir lieu à cause du changement climatique. Donc, il y a cet aspect aussi. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et nous parlons de botanique tout au long de 7h à 16h10 sur France Culture en compagnie de Sébastien Thomine et de Marc Janson. Peut-être un mot, Marc Janson, pour dire que la botanique telle qu'on l'envisage aujourd'hui, finalement, c'est une discipline extrêmement transdisciplinaire. On entend aujourd'hui, on va parler tout à l'heure avec Sébastien Thomine de tous ses travaux précisément au niveau moléculaire, mais la botanique d'aujourd'hui, c'est évidemment pas la même pratique que la botanique d'hier. Alors oui et non. C'est pas que j'ai vraiment une envie rageuse de contredire votre introduction tout à l'heure, mais nous avons encore besoin, et d'ailleurs au muséum nous le faisons, de botanistes, je dirais peut-être traditionnels, avec un microscope, observant dans un lieu qui a été donc complètement dépoussiéré, comme je disais tout à l'heure. Mais ce besoin de description du vivant en s'attachant, disons, à la morphologie de ces plantes, en les mesurant, en comptant le nombre d'étamines, en observant certaines structures, est toujours absolument nécessaire. À cela s'ajoute, évidemment, grâce aux innovations technologiques, à une meilleure compréhension, au progrès de la recherche et de la science, de nouvelles approches, de nouveaux outils. Mais il ne faut pas croire que nous n'avons plus besoin de consultation de ces herbiers, d'observation et de description du vivant. Ça fait encore partie du cœur de ce qui est à faire aujourd'hui, puisque la biodiversité, comme vous le disiez, disparaît, et que ce besoin de description des espèces n'a jamais été aussi urgent et imminent. C'est-à-dire que la description, la systématique reste encore le cœur vraiment du travail du botaniste ? En tout cas, c'est une base sans laquelle je pense qu'on ne peut pas construire grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut essayer de comprendre un génome, on peut essayer de comprendre une physiologie, mais si on ne sait pas exactement de quel organisme on parle, je pense qu'on ouvre la porte à des complexités et à des choses peut-être même parfois dangereuses. Donc vraiment pour moi, la systématique et la taxonomie, la description, à coller un nom à un organisme, c'est vraiment la base pour, bien sûr, nos activités de recherche en taxonomie, mais aussi de pharmacie, d'agriculture, etc. C'est-à-dire que Sébastien Thomine, vous n'avez pas encore totalement remplacé la fonction du botaniste. Vous apportez quelque chose. C'est comme ça que vous le concevez. C'est comme ça que vous concevez aujourd'hui vos travaux. On apporte quelque chose. On ne remplacera jamais la fonction du botaniste. C'est extrêmement important effectivement, de décrire toutes les espèces, de connaître leurs relations phylogénétiques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les adaptations, comment les espèces vont s'adapter à différents milieux, comment elles vont interagir entre elles, et quels sont les mécanismes moléculaires qui interviennent derrière. Donc, finalement, comprendre pourquoi elles sont là, où elles sont. Et ce ne sont pas des sciences qui sont dans des silos complètement indépendants. Je veux dire, on se nourrit mutuellement. Nous, peut-être par une identification précise de l'espèce que le physiologiste ou le généticien va étudier. Et en retour, les découvertes physiologiques ou plus précises de génomique, etc., vont aussi nous aider à mieux comprendre l'évolution des plantes et leur identité, leur définition. Donc, c'est vrai. Tout cela se passe vraiment dans une espèce de concert général avec des approches et des outils très différents, mais qui n'ont qu'un seul but, mieux comprendre les plantes et mieux les décrire. Alors, on va revenir avec vous, Marc Janson, à l'origine un peu et à l'histoire de la botanique, et puis on verra comment cette histoire, elle s'est extrêmement diversifiée pour en arriver à l'état que vous décrivez aujourd'hui, et effectivement à ces apports de différentes disciplines et de différentes technologies qui permettent de mieux circonscrire, de mieux comprendre, non plus seulement le végétal comme un organisme seul, mais comme un organisme qui fonctionne en réseau, dans un écosystème, avec les Vaudevaux, on reparlera de ça tout à l'heure, mais la botanique a ceci d'intéressant, que c'est une science dont on retrouve des traces dans à peu près toutes les civilisations antiques, que ce soit en Chine, en Inde, dans les nations babyloniennes, arabes, évidemment en Grèce et en Rome antique. Absolument, l'homme n'a jamais pu se passer des plantes, ne serait-ce parce qu'il s'en est nourri depuis l'origine, alors de façon plus ou moins importante en proportion dans son régime alimentaire, mais en tout cas il est clair que l'homme a toujours été en connexion avec les plantes, qu'il les a toujours utilisées et que donc il a toujours eu besoin de les représenter, de les décrire, alors avec différentes façons, effectivement, que ce soit la Chine, la Mésopotamie ou la Grèce antique, mais on trouve des traces absolument essentielles des plantes dans les civilisations, et puis ensuite on pourrait parler de leur importance dans le domaine artistique, etc. Donc ce sont vraiment des organismes dont l'existence humaine est avec lesquels l'existence humaine est absolument liée, et pourtant c'est vrai que leur place ces dernières décennies a peut-être pas été tout à fait à la hauteur, leur place, disons, l'importance qu'on a pu leur donner, la place qu'on a pu leur laisser, à la fois dans la philosophie, mais aussi dans effectivement les efforts de recherche ou les crédits associés à des découvertes précises. Historiquement, la botanique est systématiquement dès le début liée à la pharmacopée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux plantes parce qu'elles peuvent guérir ou pas seulement. Oui, très bien. On peut prendre des figures comme Théophraste ou Dioscoride, etc., de Grèce antique, qui publient de grands traités qui font date encore aujourd'hui et qui sont absolument des approches complètement liées à l'utilisation des plantes pour leurs propriétés médicinales, un petit peu alimentaires également, mais essentiellement médicinales. Et ça va rester très longtemps, puisque même à la Renaissance, quand on a ce retour qu'on constitue des herbiers pour la première fois, qu'on a un retour vers les premiers jardins botaniques sont fondés, etc., au XVIe siècle, on a quand même toujours une approche très pharmaceutique. N'oublions pas que le muséum, avant d'être muséum, s'appelait le Jardin Royal des Plantes Médicinales. Donc on avait quand même on a eu pendant très longtemps et jusqu'à encore assez récemment finalement ce lien essentiel avec l'utilité, le côté utilitaire des plantes. C'est, vous les avez nommés, hein, Dioscoride des Materia Medica, ça reste une référence jusqu'au début du XVIIe siècle à peu près. La première renaissance, on parlait de la renaissance botanique du XXIe siècle, mais la première renaissance c'est celle de la renaissance historique. Comment naissent justement ces premiers jardins botaniques, ces premiers herbiers? C'est plutôt en Italie. Alors c'est en Italie, c'est alors 1545 pour Padoue, le premier jardin botanique de Pise, là on est vraiment dans les premiers jardins botaniques, et les herbiers naissent à peu près à la même époque. C'est Luca Gini, hein, qui est le fondateur de ces jardins botaniques de Pise par exemple, et qui va aussi être l'inventeur de l'herbier. Donc l'herbier le plus ancien que l'on connaisse aujourd'hui date de 1530, c'est l'herbier de Gherardo Cibo, et dès cette époque l'herbier va rentrer dans la pratique classique des botanistes et va faire en sorte qu'aujourd'hui on conserve des millions et des centaines de millions de spécimens à l'échelle mondiale. Avec quel objectif ont ces premiers herbiers? Là aussi, c'est vraiment strictement un objectif de classification, de recensement du réel. Alors c'est aussi une plante vivante par définition peut mourir. L'herbier va permettre de la fixer dans le temps et surtout va permettre, donc leur nom, ces herbiers, donc il y avait l'Hortus botanicus ou l'Hortus medicus, etc. Et puis il y avait l'Hortus siccus, le jardin sec. Donc c'était vraiment en gros une image séchée des premiers jardins botaniques qui naissent à l'époque. Et c'était aussi Hortus siemalis, le jardin d'hiver. Non pas comme le jardin d'hiver tel qu'on en a eu une conception a posteriori, mais jardin d'hiver parce qu'une fois que vous séchez des fleurs, vous pouvez en observer les caractéristiques, que ce soit la saison de floraison de la plante donnée ou en hiver dans votre laboratoire. Donc il y avait aussi ce côté fixation à un temps T d'un organe ou d'une plante dans un état donné qui peut servir à l'observation et à la description. La botanique se constitue en science véritablement à la Renaissance parce que il va y avoir deux choses importantes. C'est les premiers grands voyages qui vont permettre de découvrir une flore totalement différente de celle que l'on connaît en Europe. Et puis il y a évidemment l'apport de l'imprimerie. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça que ce terme herbier est assez polysémique. Quand on parle d'herbier, on peut parler d'herbier au sens histoire naturelle, c'est-à-dire une plante pressée, séchée, attachée sur un support papier, ou alors sur des herbiers illustrés. Et à la Renaissance, ils ont coexisté tout à fait de façon absolument générale. Parce que les herbiers antiques, paradoxalement, et même ceux qu'on peut, les quelques recensements, en tout cas végétaux que l'on trouve au Moyen-Âge, sont paradoxalement très peu illustrés. On dessine pas tellement les plantes. Oui, mais il faut attendre la gravure. La gravure a permis de faire beaucoup de progrès. On peut penser à Fuchs, à Brunsfeld, à tous ces gens-là qui ont permis de donner justement une représentation beaucoup plus précise des plantes. Ce qui est très touchant sur ces ouvrages de la Renaissance, c'est qu'on voit des plantes avec des feuilles parfois un petit peu flétries ou avec des trous d'insectes qui sont venus les grignoter. Et il faut aussi rappeler le rôle des artistes dans tout ça, puisque les scientifiques ont aussi bénéficié d'un regard des artistes. On pense à Dürer, on pense à De Vinci, qui, en contrepoint total avec ce qui s'est pratiqué à l'époque médiévale, où on avait une répétition, une copie à moult et moult exemplaires dans les scriptoria des monastères sans vraiment observer les plantes dans leur état naturel, eh bien à la Renaissance tout cela change, les artistes se penchent vraiment sur le vivant et le décrivent au naturel, et ça va beaucoup influencer les scientifiques en retour. Ce qui va conduire assez rapidement à une première, on va voir qu'effectivement la classification et le recensement, la systématique sont au cœur de la botanique. La première classification, c'est la classification de Linné au XVIIIe siècle, qui est celle que l'on utilise encore aujourd'hui. Alors, Linné n'a pas été véritablement le père d'une première classification. Des classifications sur un système d'appellation. Voilà, une dénomination en quelque sorte. C'est-à-dire que Linné s'est inspiré de ce qu'avaient fait d'autres avant lui, les frères Bohun, par exemple. Gessner avait proposé cette idée de peut-être de standardiser les noms, parce que à l'époque, avant Linné, on décrivait les espèces par des polynômes latins. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un nom de genre et un nom d'espèce comme on le fait aujourd'hui pour les animaux, les plantes, etc., les champignons, on utilisait carrément un petit texte qui décrivait l'espèce en question. Le problème, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, on apportait évidemment à partir du 16e et même fin 15e et même avant des plantes venant d'ailleurs. Alors évidemment, tout ça s'est amplifié à la Renaissance. Et quand on voulait faire des compilations, des flores, des listes de plantes, on se retrouvait avec un amas de polynômes très difficile à manier, où il était très difficile de s'y retrouver. Et donc Linné a cette idée absolument géniale d'imposer un système binomial pour justement appeler le vivant, et c'est lui qui impose ce système de nom de genre et de nom d'espèce tel qu'on le connaît aujourd'hui. 1735, des Systema Naturae. qui voilà. reste aujourd'hui. Alors le système, il a été corrigé, il a été repris, il a été lissé. Il est passé. Le système dont on a hérité aujourd'hui, enfin qu'on utilise aujourd'hui, n'est pas évidemment exactement celui mis en place par Linné au XVIIIe. Alors il y a eu des évolutions. On a un code de nomenclature botanique aujourd'hui qui s'impose à nous lorsqu'on veut décrire des espèces ou les citer, etc. Alors effectivement, il y a eu des ajouts depuis Linné, mais cette base fondamentale pour nous, hein, le temps zéro pour nous sur la validité des noms, quand on se penche rétrospectivement sur l'histoire de tous ces noms, eh bien c'est la publication de Species Plantarum 1753 de mémoire, je me trompe peut-être. Donc Linné, évidemment, est un socle toujours indépassable aujourd'hui. C'est le 18e siècle, c'est aussi ce sont aussi les premières observations de plantes au microscope. Oui. Alors on a des choses très belles avec Hooker notamment, Micrographia, où on a effectivement pour la première fois, alors ça jouera aussi un rôle évidemment sur la sexualité des plantes qui sera mise en avant et démontrée par la suite. Donc là on bascule sur une autre échelle, hein. C'est un petit peu cette histoire aujourd'hui qui se répète, où des progrès technologiques, techniques vont nous permettre d'avoir une compréhension et une vision complètement différente d'organismes qui jusque-là n'étaient considérés que par leur aspect extérieur. Et alors justement ces premières observations, quelles en sont les traces, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et comment elles commencent à influer précisément sur la classification, parce que très vite on arrive, et c'est le travail du botaniste, à chercher une sorte de classification universelle, sauf que à cette époque au 18e, et puis il va falloir encore quelques années voire quelques siècles pour aboutir à une classification qui satisfasse tout le monde. Alors ça, c'est la grande opposition entre les classifications artificielles et les classifications naturelles. Donc on parlait de la sexualité tout à l'heure et de l'aide que les microscopes ont apporté à cette compréhension. Le système de Linné est un système sexuel, puisque au-delà d'imposer une dénomination binomiale des êtres vivants, il va aussi développer un système de classification des plantes qui est un système artificiel puisqu'il ne se base que sur le nombre et la structure des organes sexuels chez les plantes. Donc c'est ce qu'on appelle une classification artificielle. Peu après vont arriver la notion de classification naturelle, c'est-à-dire ne pas prendre un seul critère pour classer les plantes, mais essayer d'élargir au maximum, prendre en compte le plus d'informations possible. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais que finalement c'est en dialogue et qu'on se nourrit mutuellement. Eh bien, aujourd'hui, on est dans des classifications qui sont toujours naturelles, dans le sens où on va à la fois utiliser la morphologie, c'est pour ça que je vous disais qu'on a toujours besoin de botanistes avec leur microscope qui observent ces spécimens, et on va compléter l'information que peut nous donner la morphologie par des données d'ordre génétique, par exemple, ce qui aboutit à la construction de phylogénie moléculaire, etc. Mais ce sont des technologies et des approches qui complètent une botanique de base, en quelque sorte, qui est celle de l'observation et la description. L'autre grand, on avance évidemment à pas de géant, hein, dans l'histoire, mais l'autre grande étape importante, c'est évidemment Darwin, c'est évidemment la conception qui va être très importante, et notamment pour la diversification des approches botanistes au XXe siècle, l'importance de la notion d'évolution et de la proximité évolutive entre les espèces. Oui, on ne le dit pas assez, mais Darwin a énormément travaillé sur les plantes. C'est un grand passionné de plantes. Il les cultivait avec beaucoup d'amour. Et effectivement, son approche évolutive des organismes, sa théorie de l'évolution, va évidemment avoir un impact important sur la compréhension du végétal. Mais il faut vraiment attendre, disons, 1950, la découverte de l'ADN, et la fin du XXe siècle, les années 70-80, pour qu'on ait vraiment une utilisation massive et importante de ces données moléculaires de l'ADN et de l'apport, justement, de ce message, en quelque sorte, évolutif à l'approche morphologique que j'écrivais tout à l'heure. Alors justement, on arrive au XXe siècle et puis on va commencer à arriver au niveau moléculaire pour pouvoir réintégrer dans cette conversation Sébastien Thomine. Ce qui est intéressant au XXe siècle finalement, c'est que on commence à pouvoir observer les plantes par toutes les coutures, hein, jusqu'au niveau moléculaire, vous le dites, à partir des années 50 avec l'ADN. Et il faut encore vraiment du temps, c'est-à-dire que l'acceptation d'une classification universelle, il faut attendre la fin des années 90 pour y aboutir. Comment est-ce que vous expliquez que finalement, au cours du XXe siècle, avec la diversification des approches en botanique, il n'y a pas de classification naturelle qui s'impose à la communauté scientifique? Alors aujourd'hui, si, il y a des systèmes de classification. Mais pas avant les années 90, c'est ça. Pas avant les années 90, parce que cet ADN, l'utilisation de l'ADN, il faut développer aussi des systèmes d'interprétation de cette information. La construction d'arbres phylogénétiques, se base aussi sur des programmes informatiques, etc. Donc tout ça prend quand même du temps pour savoir exactement quelle est la signification de ce qu'on observe. Et puis évidemment, il y a aussi toutes aujourd'hui les ARN, etc., qui rentrent en ligne de compte. Donc ça prend du temps de développer et de basculer aussi une approche. Et puis ça prend aussi quelques réticences, forcément. La sexualité des plantes a mis beaucoup de temps à être acceptée. Dire à des botanistes que la morphologie n'est plus le tout, l'alpha et l'oméga, mais qu'il faut y ajouter un message moléculaire a peut-être aussi, pour certains, pris un peu de temps à être accepté. Est-ce que vous diriez que la recherche en botanique a été en quelque sorte aussi préemptée par l'agronomie ? C'est-à-dire que l'agronomie a finalement fait relativement de tort, ou est-ce que c'est deux branches complètement distinctes, selon vous, Marc Janson ? Alors, pendant longtemps, ça a été deux branches complètement confondues. On peut penser à Adanson, par exemple, qui est un grand botaniste, mais qui s'est aussi passionné pour toutes ces monstruosités, c'est-à-dire toutes ces mutations, etc., que pouvaient présenter les plantes lorsqu'elles étaient mises en culture. Après, aujourd'hui, ce sont vraiment deux branches complètement différentes, mais encore une fois, il y a des liens. Mais je parle au milieu du XXe siècle. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'on relève aujourd'hui, ou ce qu'on voit avec du recul, comme le passage en désuétude de la botanique, précisément suite au développement, eh bien, justement, des méthodes d'observation moléculaire, du travail ADN, etc. Est-ce que finalement le travail en agronomie, le travail d'optimisation du végétal n'a pas effectivement contribué aussi à ce passage en désuétude de la botanique dans la deuxième partie du XXe siècle ? Oui, on vit dans un monde où l'argent, l'aspect économique est dominant, et donc effectivement étudier et décrire des plantes qui pour la plupart sont, au moment où on les découvre, sans utilité directe, peut avoir un impact sur les crédits qu'on alloue à tel ou tel aspect de la recherche. Donc effectivement, c'est ce qu'on contexte politique, ces priorités politiques définies ensuite budgétairement par rapport à des activités de recherche, ce sont des choses avec lesquelles on a affaire quotidiennement. Donc c'est vrai que la botanique traditionnelle a un peu perdu de son importance, mais puisqu'on parle d'un renouveau, peut-être que tout cela n'est que passager. Sébastien Thémine. Je pense qu'il y a eu toute une période où l'industrialisation justement de l'agriculture a empêché, a diminué l'intérêt pour la botanique. Maintenant, je pense qu'on est en train de redécouvrir que les plantes ne sont pas seulement une source de nourriture pour l'homme, mais également une source de molécules en tout genre qui vont pouvoir être utilisées pour soigner les gens, mais aussi comme matière première. Donc, et notamment, par exemple, les plantes produisent des milliers de métabolites secondaires qui vont pouvoir être utilisés pour faire de la chimie ou de la pharmacologie, ou toute une grande variété d'utilisations en cosmétique également. Et du coup, je pense qu'il y a un intérêt nouveau pour toute cette diversité qui a été un petit peu passée sous silence depuis la première moitié du XXe siècle. Comment vous expliquez l'un et l'autre, justement, cette tombée en désuétude de la botanique dans la deuxième moitié du XXe siècle ? D'un seul coup, finalement, on s'intéresse moins aux vivants, on se dit qu'on a déjà fait le tour, qu'on a suffisamment d'approches, ou que l'approche s'est trop diversifiée sur le plan technique pour finalement que cette science en tant que telle de recensement continue à intéresser la communauté scientifique. Qu'en pensez-vous ? Alors, mon opinion personnelle, c'est qu'effectivement, la recherche est soumise à des financements. En France, ce sont des financements quand même pour beaucoup publics, en tout cas en ce qui concerne le muséum ou les grandes institutions publiques de recherche, et que l'euro que l'on donne à une activité donnée ne va pas à une autre activité. Donc, je pense qu'il y a eu des choix politiques, une espèce de course en avant, où les nouvelles technologies ont toujours été, on le voit aujourd'hui avec l'Internet, les GAFA, etc., il y a toujours cette espèce de compétition internationale, et que du coup, on a tendance à vouloir considérer comme étant moins utiles des sciences plus anciennes, comme la botanique descriptive, la taxonomie qu'on évoquait tout à l'heure, est peut-être plus passionnante, source de plus de visibilité internationale ou de rentabilité économique, des sciences plus axées sur la génomique, etc. Je pense que là, il y a un vrai paramètre à prendre en compte. Et puis, je pense que ce regard sur la biodiversité, sa fragilité, son évanescence, c'est quelque chose d'assez contemporain, et que c'est cela aussi qui nourrit le renouveau. Dans les années 70-80, on parle depuis très longtemps, on pensait à Pierre Poivre dans les îles de l'océan Indien, qui découvre qui alerte sur la disparition, mais je pense qu'on en a vraiment pris conscience communément et de façon très large assez récemment, et que cette notion de biodiversité nous aide aujourd'hui à revenir vers ces sciences plus fondamentales. Sébastien Thémine, vous partagez ce point de vue ? Oui, je suis entièrement d'accord. Un mot peut-être avant d'en arriver au présent et à la pratique de la botanique contemporaine, un mot, Marc Janson, sur ce grand herbier national du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a commencé à être les premières pages de cet herbier, elle remonte à quand ? Et vous qui avez contribué justement à sa remise à neuf, presque. C'est plutôt mes collègues. Moi, je suis arrivé quand tout était prêt. Alors, vous qui êtes arrivé a posteriori, voilà. qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces archives Et comment il s'est constitué en fait au fur et à mesure cet herbier? Il y a une date clé pour la constitution de l'herbier national, c'est 1708. Il y avait un grand botaniste à l'époque qui s'appelait Joseph Piton de Tournefort et qui, à sa mort, lègue au roi de France, Louis XIV, son herbier. C'est le premier à le faire, car avant lui, les botanistes étaient propriétaires de leurs herbiers. Donc des herbiers, il y en a eu bien avant 1708 sur le site du Jardin Royal des Plantes Médicinales, sauf qu'ils appartenaient aux botanistes qui les avaient constitués, et que donc au départ de ces botanistes, eh bien, ils quittaient le site du Jardin Royal. Pendant longtemps, ce qui a persisté à l'herbier de façon pérenne, c'était le droguier du roi, où on avait toute cette matière médicale qui faisait écho à ces plantes médicinales et à cette utilité pharmacologique des plantes. En 1708, Tournefort lègue son herbier, et depuis lui, en fait, les herbiers... Alors, certains vont être achetés aussi par la suite. Et aujourd'hui, évidemment, quand on va sur le terrain et qu'on est missionnaire du Muséum National des Soins Naturels, nos collections appartiennent en propre à la nation et au Muséum National. Donc il y a eu aussi, évidemment, des périodes comme la colonisation où ont permis d'enrichir énormément ces collections. Et aujourd'hui, on pratique beaucoup d'échanges, c'est-à-dire que ces spécimens, quand on les collecte sur le terrain, on peut en prendre un pour nous, mais on fait aussi des doubles de ces collections que l'on envoie à des institutions internationales. Et donc, en fait, c'est vraiment à l'échelle internationale que tout ça se doit se voir et s'analyser. C'est pas simplement les botanistes parisiens qui alimentent la collection nationale, c'est vraiment la communauté internationale qui y contribue. Aujourd'hui, vous avez combien de nouvelles espèces qui rentrent dans l'herbier national par an, par exemple ? Alors, des nouvelles espèces, il serait difficile de vous le dire, parce que tant que le spécialiste mondial ne s'est pas penché sur le spécimen, il est difficile de savoir si c'est une espèce nouvelle ou non. Par contre, des spécimens, on en accueille entre 10 et 15 000 par an. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Watch the flowers grow, regardez les plantes pousser de Wonder Woo dans la méthode scientifique sur France Culture à 16h35 bientôt, puisque nous parlons de botanique tout au long de cette heure en compagnie de Sébastien Thomine qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de Paris-Saclay et avec Marc Janson qui est botaniste et conservateur de l'herbier national du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, on est aujourd'hui au 21e siècle, nous avons parlé de cette renaissance botanique que mentionnait la revue Nature à la fin du mois de janvier. Et paradoxalement, eh bien, avec l'apparition d'un certain nombre de nouvelles techniques, eh bien, on le disait, la botanique est revenue en partie à ses premières amours, à savoir la morphologie et la physiologie végétale, notamment grâce à des nouvelles techniques d'imagerie. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut de systématique, évolution et biodiversité du Muséum pour regarder précisément comment travaillent ces botanistes du 21e siècle. Mais oui, pour comprendre la morphologie des plantes, il faut aller sonder au cœur des cellules. Et avec la biologie moléculaire et les techniques d'imagerie, on peut mieux observer les mécanismes qui organisent leur plan de développement. Alors Florian Jabour et son étudiante Julie Zalco étudient les plantes à fleurs, les angiospermes, au niveau moléculaire et macroscopique. L'objectif pour eux est de mieux comprendre l'origine de la diversité des plantes à fleurs sur le plan phylogénétique et écologique. Dans l'équipe, on étudie l'apparition des organes et des formes chez les plantes au cours du développement et dans un cadre évolutif. Alors l'instrument de base, je dirais, ce sont nos yeux et nos mains. On observe les spécimens et on les touche. Ensuite, on peut utiliser toute une gamme d'instruments et de techniques. On peut aussi avoir recours à la biologie moléculaire pour travailler sur l'ADN, l'ARN, les protéines. Alors là, par exemple, mon étudiante examine des boutons floraux disséqués qu'elle a échantillonnés à différentes étapes de développement. Alors c'est une renonculacée qui s'appelle la staphysègre, qui a servi au Moyen-Âge au traitement pour l'élimination des poux, beaucoup. Et on l'étudie parce que ce groupe de plantes, les staphysègres, ont une position phylogénétique bien spéciale par rapport à un certain groupe de renonculacées. Et on étudie la mise en place de la symétrie florale au cours du développement, et en particulier la formation des éperons nectarifères qui confèrent la symétrie bilatérale dans ces boutons floraux. Donc ici, on a un bouton finalement assez développé où on a tous les organes déjà initiés et formés avec les éperons en cours de formation. Ce sont les poches qui vont se creuser encore plus jusqu'à l'ouverture de la fleur. Ce qu'on a ici, c'est une fleur qui est un ensemble d'organes sexuels entourés d'organes stériles. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont plutôt les organes stériles du périanthe qui vont présenter certaines formes ou appendices qui vont attirer ou récompenser les pollinisateurs dans la nature. Et le développement des structures est reconstruit en observant des dizaines d'échantillons prélevés ou sacrifiés à différentes étapes de développement. Donc ces échantillons sont fixés, recouverts de métal, et pour obtenir une frise de développement, il faut en disséquer des dizaines, des centaines, et on reconstitue le puzzle. Pour redonner la dimension du temps. Voilà. Mais du coup, en fait, Florian a prélevé des inflorescences, donc des ensembles de fleurs. Après ça, avec des très petites pinces, j'ai prélevé les boutons floraux à différents stades. J'ai enlevé certaines parties en regardant donc avec une loupe binoculaire. Le but, en fait, c'est d'enlever certaines parties de la fleur, que ce soit des bractées, des sépales, des pétales, pour montrer, en fait, mettre en évidence des structures qu'on voudra observer ensuite au microscope électronique à balayage. Une fois que les fleurs ont été préparées, on les place sur des petits plateaux qu'on va ensuite mettre dans un métalliseur. On recouvre ça de platine. Ce sont ces petits plateaux qu'on insère dans le microscope à balayage d'environ 1 cm de diamètre. Le matériel biologique est séché, collé à la surface d'un adhésif, et l'ensemble est recouvert de métal, platine, or. Et ce sont ces plateaux recouverts de métal qui vont interagir dans la chambre à vide du microscope à balayage avec un faisceau d'électrons. Ils vont en réfléchir une partie, et la manière dont les électrons sont réfléchis vont former les montagnes et les vallées qu'on voit à la photo, et ça nous donne un rendu en trois dimensions du matériel biologique grossi des centaines de fois. Notre but étant de décrire et au final de comprendre l'initiation des organes et l'acquisition de la forme des organes quand ils sont adultes. Donc c'est l'organogénèse et la morphogénèse des fleurs qui nous intéressent. Là, vous voyez, en fait, donc c'est une grosse boule de cellules bien uniforme, c'est le méristème. Et à côté, en fait, vous voyez que de ça a bourgeonné, en fait, ont bourgeonné les premières structures qui vont être les sépales, en fait. Ensuite, les sépales autour, et puis au fur et à mesure, sépales, pétales, étamines, puis les structures femelles, le gynécée. Et au final, on va avoir une fleur qui va se développer. C'est incroyable, c'est comme si on avait un peu le schéma, le patron de la future plante. Exactement, c'est passionnant. On regarde la mise en place des organes en vue externe, on fait de la morphologie. Julie a regardé la vascularisation des organes dans des jeunes fleurs. Donc là, elle a dû faire des sections et aller à l'intérieur de la fleur pour voir comment les organes étaient irrigués par les faisceaux vasculaires. Donc on complète un peu sa formation en lui donnant toutes les clés pour comprendre l'intérieur, l'extérieur des fleurs en développement ou à l'état adulte. Et de toute façon, les études anatomiques et morphologiques sont tout à fait complémentaires. Par exemple, Staphysagria, la Staphysagre, ce sur quoi je suis en train de travailler, on voulait compléter l'étude morphologique de l'éperon avec une étude de la vascularisation de cet éperon pour voir comment se mettent en place les circuits de sucre en fait dans l'éperon pour la formation du nectar. Voilà, on travaille maintenant sur un petit genre de quelques espèces, mais ce travail est fait par plein de chercheurs sur plein de groupes et au final, on a une meilleure compréhension de la diversité biologique, phénotypique des végétaux quand on parle des botanistes. Et voilà le reportage du jour à l'Institut Systémique, Évolution et Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Une réaction, Marc Janson, Sébastien Thomine, à ce que vous venez d'entendre ? Oh, oui, c'est effectivement fascinant. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on connaît également les gènes, justement, grâce à l'étude d'Arabitosis italiana, on connaît les gènes qui déterminent la position et le nombre des organes chez les fleurs. Et ces gènes qui ont été définis grâce à une espèce, maintenant, on peut regarder comment ils se déclinent dans leur domaine d'expression, leur variation, chez un grand nombre d'espèces différentes, pour justement comprendre comment la nature a généré toute cette diversité de modèles floraux. Et je vous renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée justement à l'énigme qui reste autour de la raison, qui est une énigme qui commence à être un peu résolue depuis Darwin, mais enfin qui intriguait beaucoup Darwin, sur le succès des plantes à fleurs. Pourquoi, comment, on y avait passé une heure entière, on va vous mettre le lien. Mystère. L'abominable mystère du succès des plantes à fleurs. Un mot peut-être, Sébastien Thomine, sur vos travaux de recherche. Vous travaillez, vous, aujourd'hui, sur des plantes qu'on dit hyper accumulatrices de métaux. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit, parce que vous travaillez précisément, et on va voir l'intérêt, l'importance du vivier que constitue l'herbier national du Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, donc dans mon équipe, il y a un chercheur qui s'appelle Sylvain Merlot, qui travaille sur les mécanismes d'hyperaccumulation des métaux chez les plantes. Donc c'est une propriété tout à fait extraordinaire, ces plantes sont un petit peu exceptionnelles, parce qu'elles sont capables, alors qu'une plante va accumuler juste ce qu'il lui faut comme métaux pour vivre, certaines plantes sont capables d'en accumuler 100 à 1000 fois plus. Et donc c'est un sujet qui est extrêmement intéressant du point de vue fondamental pour comprendre comment les plantes captent et détoxifient les métaux. Mais c'est également un sujet qui est relié justement à la botanique, puisqu'on voit cette propriété d'hyperaccumulation est apparue dans différentes familles de plantes, à divers moments dans l'évolution. Et donc ça nous permet, en comparant différentes espèces qui sont hyperaccumulatrices, de déterminer quels sont les mécanismes qui permettent l'acquisition de cette propriété d'accumulation des métaux. Et cette propriété, vous l'avez constatée dans des plantes qui sont des plantes radicalement différentes en termes de phylogénétique ? Ah oui, on la trouve dans des... En Europe, ça va surtout être des brassicacées, comme par exemple la plus connue, c'est Nocea. Et par contre, le nombre de ces espèces explose, c'est dans des zones tropicales, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, qui est un de nos terrains d'investigation favoris, mais aussi à Cuba, où là, on a de nombreuses espèces qui appartiennent à des phylums du végétal complètement différents, comme les euphorbiacées ou les malpighiales, enfin des familles très différentes. Et cette propriété a émergé de nombreuses fois dans l'évolution. Et alors justement, comment est-ce que vous travaillez ? Vous travaillez strictement en génomique sur cette propriété ? Vous travaillez aussi, je crois, sur les processus de transcription ? C'est vraiment une sorte d'analyse extrêmement complexe, extrêmement complète de l'ensemble de ces mécaniques pour comprendre, en fait, peut-être pour remonter, je ne sais pas, qui sait, au plus vieil ancêtre commun, où est apparu ce type de propriété chez la plante ? Comment vous travaillez, Sébastien Thomine ? Disons qu'on va avoir une approche qui va être à plusieurs niveaux. D'une part, on a une approche transcriptomique, donc on va regarder quels sont les gènes qui sont exprimés chez ces plantes hyperaccumulatrices et comparer ces gènes à ceux qui sont exprimés chez des espèces proches qui ne sont pas hyperaccumulatrices. On a également d'autres approches qui sont justement liées à l'imagerie. Et on va regarder où sont localisés les métaux chez ces plantes. Et pour ça, on utilise des techniques de fluorescence X. Donc, ça fait souvent appel à des grands instruments comme le synchrotron ou des sondes ioniques. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir, en utilisant un faisceau qui va stimuler les atomes de métal, les localiser dans les tissus végétaux et voir, par exemple, dans la plupart des hyperaccumulatrices, les métaux sont localisés au niveau de l'épiderme des feuilles. Donc, on sait que chez ces cellules-là, que va avoir lieu l'adaptation la plus importante. Et du coup, quel est le lien, quel est l'intérêt, enfin j'imagine la ressource évidemment que représente l'herbier national. Comment est-ce que vous travaillez avec l'herbier national pour pouvoir augmenter peut-être éventuellement la diversité des espèces ou trouver chez d'autres espèces ce type de propriété? Comment vous pouvez travailler? Parce que vous ne détruisez évidemment pas les espèces conservées dans l'herbier. Comment ça se passe? Alors, Sylvain Merlot, Sylvain Merlot a commencé par travailler sur le terrain donc avec des botanistes, hein, donc ils se promènent dans les forêts tropicales calédoniennes avec des botanistes qui l'aident justement à identifier les espèces. Parce que, donc c'est là où on a commencé à interagir avec des botanistes. Et maintenant, on va aller plus loin et interagir avec l'herbier national. Dans ce cas-là, l'idée, c'est d'utiliser un spectromètre XRF. Donc c'est un appareil portatif qui permet également d'analyser le contenu en métaux par fluorescence X. Et on va pouvoir scanner, grâce à cet appareil, les herbiers du muséum pour rechercher justement de nouvelles espèces hyperaccumulatrices et avoir un catalogue plus, un éventail plus large, avoir une connaissance beaucoup plus étendue de ces espèces. Marc Janson, vous avez comme ça beaucoup d'équipes de recherche qui viennent s'adresser à vous pour avoir accès à l'herbier, pour chercher, pour faire des travaux en transcriptomique, en génomique, enfin dans tous ces nouveaux domaines de recherche extrêmement pointus pour mieux comprendre, pour mieux analyser le végétal? Alors oui, mais je pense personnellement, en tout cas il y a fort à penser, que ce sont des approches qui vont être de plus en plus importantes pour nos collections. Finalement, savoir que c'est dans nos collections que se situe aussi le futur de la botanique, c'est assez stimulant et assez passionnant. Parce que l'accès à la biodiversité sauvage, on parle de la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire quand même où l'influence française est importante, mais il y a bien d'autres territoires sur la planète où il est de plus en plus difficile d'avoir accès à la biodiversité sauvage, de la collecter, parce qu'il y a des de valorisation possible à partir de ce matériel qui ont parfois des retombées économiques qui échappent pour beaucoup aux pays du Sud, et donc la communauté internationale s'est réunie pour mettre au point des accords, comme par exemple les accords de Nagoya. Et finalement, le fait que l'on puisse avoir de moins en moins facilement accès à la biodiversité sauvage, eh bien renforce d'autant, alors nous complique la vie même à nous de botanistes taxonomistes, parce que on est soumis à ces mêmes règles bien sûr, donc l'enrichissement des collections est fort contraint, mais par contre ça permet de donner une valeur supplémentaire à ces collections. Il est finalement presque plus facile aujourd'hui d'avoir accès et de travailler sur des spécimens d'herbier que d'aller observer, collecter les plantes dans le milieu sauvage. Donc il y a fort à penser que des approches fondamentales, j'ai envie de dire, comme celle-ci, par rapport à la physiologie ou d'autres sujets, mais aussi le secteur privé de la pharmacie, etc., peut éventuellement être à l'avenir très intéressé par la ressource extraordinaire que représente cet herbier. Bon, on parlait tout à l'heure de justement de la transformation aussi du travail, non plus seulement sur la plante, mais sur l'ensemble de l'univers ou de l'écosystème autour de la plante. On parle plus volonté aujourd'hui d'holobionte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous ajoutez des nouvelles espèces, des nouveaux spécimens à l'herbier, tout ça vient avec un ensemble de métadonnées. Vous aussi, de votre côté, Sébastien Thomine, quand vous travaillez sur les plantes, vous travaillez aujourd'hui en métagénomique. On cherche plus seulement à comprendre la plante, mais on cherche vraiment exclusivement maintenant à la resituer dans un environnement évolutif et nutritif. Enfin, dans un écosystème, oui, bien quoi. Sûr. Bien sûr, on a besoin de connaître les conditions édaphiques, c'est-à-dire la nature du sol sur lequel les plantes ont poussé pour comprendre leurs adaptations. Donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a des sols qui sont très particuliers, qui sont des sols serpentiniques, très, très, très pauvres en matière organique et très riches en métaux, justement. Et pour nous, c'est extrêmement important, effectivement, dans la description d'une plante, de connaître les conditions dans lesquelles elle a poussé, en particulier les conditions du sol. C'est Marc Janson, du coup, toutes ces données-là, vous ne les avez pas pour les espèces les plus anciennes de l'herbier. Vous les reconstituez? Vous faites un travail de reconstitution a posteriori? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de travail de reconstitution à partir de ces collections qui ont aussi, de fait, évidemment, une valeur historique. Effectivement, aujourd'hui, quand un spécimen entre officiellement dans la collection, c'est au moins être associé à l'effort de collecte qu'il représente deux types de données, une localisation géographique la plus précise possible et une date. Sans cela, ce ne sont pas des objets de science parce qu'il n'y a pas de données associées, auquel cas effectivement ils ne peuvent pas rentrer dans la collection. Ça c'est pour aujourd'hui. Effectivement, si on reprend la collection de Tournefort ensemble, 1708, on n'a pas forcément toutes ces informations-là accessibles directement sur l'étiquette, mais on sait que ces botanistes très souvent ont eu des journaux de voyage, ont beaucoup écrit à partir de ces collections et donc à posteriori, en revenant vers les sources, vers les publications qui sont associées à ces botanistes, on peut retrouver de l'information. Parfois, pas toujours aussi précisément qu'on le souhaiterait, mais il y a aussi tout un travail de recherche qui laisse toujours espérer qu'on va pouvoir retrouver de l'information. Mais ça, c'est un changement paradigmatique important pour la botanique, c'est-à-dire qu'on ne pense plus la plante comme un organisme seul, isolé, on pense la plante avec son milieu, avec sa terre, avec son microbiote. On sait qu'aujourd'hui, les plantes ont un microbiote au niveau des racines, enfin ça quand même considérablement changé la conception qu'on pouvait avoir à l'époque des grands botanistes descriptifs du XVIIe ou du XVIIIe siècle, Sébastien Tenon. Oui, ça fait partie effectivement des grandes nouveautés, c'est de comprendre que la plante a besoin de son microbiote et notamment la découverte qu'en fait les plantes sont non seulement elles sont entourées de microbes, mais en fait elles contiennent des milliers de bactéries qui vont participer à sa physiologie. Et d'ailleurs, quand on réalise des approches de type moléculaire, transcriptomique, on se rend compte que on va pas seulement identifier des gènes de plantes, mais de temps en temps, on va tomber sur des gènes de bactéries. Oui, mais ça, c'est avec la métagénomique. Voilà, forcément, vous avez du matériel ADN vivant de la faune qui ressort aussi. Ouais. Marc Janson. Et ce qui fait que ces collections botaniques ne sont pas toujours forcément intéressantes que pour les botanistes, c'est qu'effectivement, il y a des champignons, il y a parfois des insectes. On peut observer des pontes d'insectes sur certaines plantes collectées lors de la mise en herbier qui peuvent intéresser les entomologistes. Et c'est une réflexion qui commence au muséum, mais qui est aussi évidemment existante dans d'autres institutions, à savoir qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend bien compte que le végétal n'est pas seul, l'animal n'est pas seul, tout ça est en interaction, et que nous, tout bêtement, par exemple, sur des notions de base de données, c'est-à-dire comment on fait apparaître toute cette multitude du vivant qui peut être associée à une seule collecte à partir de bases de données, comment on classe les spécimens à partir de toutes ces informations, c'est quelque chose qui est dans ses balbutiements aujourd'hui, mais qui aura des conséquences importantes sur la façon dont on travaille et dont on reporte les informations à l'avenir. Et puis, donc ça fait partie d'un renouveau. Il y a un autre renouveau, c'est que les plantes sont aussi, enfin l'herbier en tout cas est une source très importante pour comprendre et qualifier les changements globaux qui affectent la flore mondiale, puisque notre force, c'est à la fois d'avoir ces organismes représentés dans nos échantillons, mais d'avoir aussi une date et un lieu de collecte pour l'essentiel de cette collection, qui nous permet de regarder avec trois siècles et demi de recul, eh bien quel était l'état de la flore d'une zone du monde à un temps donné. Et aujourd'hui, quand on sait que notre monde est tant soumis aux changements globaux, que ce soit le changement climatique, anthropique, etc., et ben ça en fait une source de données absolument extraordinaire. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, quand vous avez tous ces spécimens qui rentrent, que il y a une facilité aujourd'hui d'identification, notamment via la métagénomique, c'est-à-dire de pouvoir ressortir, comme le disait Sébastien Tomine à l'instant, et bien tout le matériel ADN qui est présent dans un extrait, et donc d'un seul coup d'avoir accès beaucoup plus vite à la nature même de ces spécimens, de savoir si ce sont des spécimens nouveaux? Vous travaillez en parallèle avec des laboratoires de métagénomique là-dessus? Alors pour les phylogénies, etc., effectivement, il y a une besoin de faire une extraction d'ADN. Alors on a une collection qu'on met en silicagel. Lorsqu'aujourd'hui on va sur le terrain, on fait une collection dite pour l'herbier en propre. Et puis on prélève des tissus jeunes que l'on va maintenir dans du gel de silice qui permet de le sécher très vite, qui facilite l'extraction et la qualité de l'ADN qu'on va pouvoir extraire. Mais tout ça, s'il y a des laboratoires qui permettent au muséum même de faire des extractions, il y a aussi beaucoup d'externalisation de ces activités, d'amplification des séquences, etc. D'identification assistée par ordinateur, on est en IAO, en botanique aujourd'hui. On développe beaucoup de choses, mais il y a effectivement, il y a aussi tout ce qui est approche 3D, ouais, etc. Qui est noté d'ailleurs dans l'article. Absolument, il y a des choses dans lesquelles le muséum, bien sûr, commence à réfléchir et développe des outils pour ce genre d'approche. Sébastien, je voulais intervenir sur les progrès du séquençage massif. Il est vraisemblable que bientôt il sera plus nécessaire de rapporter des échantillons pour les séquencer en laboratoire. La miniaturisation des séquenceurs maintenant est telle qu'on va pouvoir les emmener sur le terrain. Il suffira d'avoir un ordinateur portable et un mini séquenceur, et un mini laboratoire, pour pouvoir directement analyser l'ADN, justement, ce qui permet d'un peu d'échapper au problème des accords de Nagoya qui empêchent de rapporter du matériel. Oui, alors ça c'est une approche qu'on a appelée le barcoding moléculaire, c'est-à-dire en quelque sorte pouvoir identifier les plantes sans passer exactement par le stade du prélèvement. Mais les accords de Nagoya comprennent aussi ce genre d'exploitation possible des spécimens, donc ce genre d'approche est aussi soumise aux accords de Nagoya. Vous disiez aujourd'hui en termes de séquençage génomique du végétal, Sébastien Thomine, on a séquencé combien d'espèces à peu près Les chiffres que j'ai vus, c'était plus de 250 espèces. Entièrement séquencé, pas seulement du barcoding, mais là on a tout le génome, donc l'ensemble des gènes exprimés chez ces espèces. Ce qui est sur 250 espèces, qui est encore très très modeste. Oui, par rapport au nombre total d'espèces d'angiospermes, c'est vrai que c'est... Quels sont aujourd'hui, je vais revenir à ce que nous disions au début, aujourd'hui... Vous avez le sentiment, l'un comme l'autre, qu'on est engagé, c'est le cas, on en a beaucoup parlé autour de cette table quand on parle de biodiversité animale, d'une course contre la montre, notamment en entomologie, pour découvrir et pour recenser toutes les espèces d'insectes qui n'ont pas encore été découvertes, ou certaines espèces bactériennes. Il y a une course contre la montre dans la taxonomie végétale aujourd'hui pour essayer d'identifier les espèces. On estime quoi ? 10-20% d'espèces végétales qui n'auraient pas été encore recensées. Alors, à l'échelle du vivant dans sa globalité, on estimerait, c'est évidemment toujours difficile d'estimer l'inconnu, à 10 à 15% d'espèces vivantes sur notre planète aujourd'hui qui auraient été décrites. Donc on est vraiment en face d'un continent entier de reste à faire. Le gros du travail est vraiment devant nous, ce qui pousse des gens comme Edward Wilson, etc., à lancer des appels très forts pour justement donner des fonds et donner des moyens pour faire ce travail fondamental, c'est-à-dire de description des espèces. Évidemment, au niveau des plantes, le travail de description est beaucoup plus poussé. Je ne sais pas exactement en termes de pourcentage quel est le pourcentage de plantes aujourd'hui sur la planète qui ont été décrites. Tout ce que je peux dire, c'est que dans des pays comme la Colombie, par exemple, qui sont quand même très très riches en espèces, on décrit plusieurs centaines, 300, 200, 300 nouvelles espèces de plantes par an. Donc c'est quand même encore quelque chose qui est très important et une activité très soutenue dans les laboratoires. C'est là aussi, sur ce genre de travaux-là, la façon dont le public peut se réapproprier justement l'espèce, la nature, son rapport à la nature. On sait que ça marche énormément, par exemple, pour les oiseaux, pour le recensement de la biodiversité en sciences participatives. Aujourd'hui, il y a des programmes, je pense à Vigiflore, par exemple, qui rencontrent du succès auprès du grand public. Ça peut vraiment vous donner un coup de main à vous en tant que botanique si tout le monde s'y met et tout le monde cherche à recenser pendant ses voyages éventuellement ou... Absolument. Les occurrences, ça passe vraiment par de l'observation. Et si on ne remet ces observations que sur les épaules des spécialistes, botanistes, ornithologues, etc., le travail se fait évidemment beaucoup moins rapidement. Donc le grand public, non seulement a un intérêt pour ça, et je pense est heureux d'être associé à ce genre de choses, mais les scientifiques ont vraiment besoin de cet œil, de cette observation et de cette précision. Tel jour, à tel endroit, j'ai pu observer telle espèce. Ça veut dire que concrètement, je pars demain en voyage en Amazonie. Qu'est-ce que je fais? Je vous passe un coup de fil. Si j'ai envie de participer, si j'ai envie de dire ça m'intéresse, j'ai envie de revenir avec des extraits ou de participer précisément au recensement des espèces sauvages. Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, c'est beaucoup l'Europe et la France qui font partie de ces sites où l'observation des citoyens peut être consignée et importe pour la science. Par contre, effectivement, alors aujourd'hui, collecter la biodiversité, comme on l'a dit, c'est très contraint, donc ça n'est pas laissé aux touristes ou aux visiteurs lambda. Mais effectivement, à partir de photos, aujourd'hui, évidemment, avec l'explosion de la qualité des photos, on peut faire aussi des reports d'occurrences ou d'observations dans à peu près toutes les zones du monde. Ça, c'est des choses qui sont en développement, tout comme les bases de données ou les numérisations de collection. Le but à terme, évidemment, c'est que toutes ces bases puissent être mises ensemble, qu'on ait vraiment une interopérabilité de toutes ces données. Et à terme, j'imagine qu'il en sera de même pour les observations citoyennes qui pourront abonder comme ça des sortes de bases de données beaucoup plus globales. Mais ça veut dire que même si j'habite à la campagne au fond de mon jardin ou si je vais faire une balade en forêt, je peux être d'une certaine forme d'utilité pour le recensement des espèces végétales ou pour le recensement du vivant? Oui, absolument. C'est vraiment le but de ces systèmes Viginature, etc., qui ont été mis en place par le muséum, c'est de pouvoir vraiment bénéficier de ces observations. Faut pas croire qu'on connaît tout et que même dans une flore comme la flore française où on a effectivement une très bonne connaissance, une bonne description des espèces, il reste très peu de nouvelles espèces à décrire. Par contre, les changements opèrent aussi ici, les bouleversements du climat ont aussi des conséquences ici et les observations des citoyens sont très importantes dans ce domaine. Sébastien Thomine. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est très important d'avoir une idée de la dynamique des populations. Donc c'est en ça que les citoyens peuvent participer en Europe. Voilà, et bien écoutez, vous voyez, vous aussi, si vous allez vous balader, que ce soit au bois de Boulogne ou dans une forêt du Vercors et que vous avez envie de rendre service au recensement de la biodiversité, bien, on va vous mettre toutes les informations sur le fil Twitter de l'émission. En tout cas, ça passe par le site du Muséum National d'Histoire Naturelle et par son grand herbier national. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sébastien Thomine. Merci Marc Janson d'être venu nous parler de la botanique au micro de France Culture. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres, vous le savez désormais, sur la page de la méthode scientifique sur le site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode, Antoine Beauchamp, Eve-Étienne, Céline Lausanne, Sarah Hijemans, Noémie Neguette de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique.